27e chapitre. Un déjeuner de 500 francs. Pendant ce temps-là, un serrurier avait été appelé qui remaillait la cage des sages. Mademoiselle Desgarcins et le dernier des Laide-Manoir y furent réintégrés après avoir été fessés d'importance. Cette exécution faisait monter à un suprême degré la gamme des lamentations de Potiche. Enfin, chose incroyable et qui prouve le besoin que le sage, comme l'homme, sa caricature sur tant de points, a de l'esclavage, les deux coupables réincarcérés, Potiche descendit de son arbre, s'approcha timidement et obliquement de Michel, et, avec de petits cris plaintifs, demanda, les mains jointes, à être réincarcéré avec ses amis. « Le voyez-vous, l'hypocrite ? » dit Michel. « Était-ce de l'hypocrisie ? Était-ce du dévouement ?» Je penchai pour le dévouement. Michel maintint l'hypocrisie. En somme, qu'avait fait de mieux Régulus retournant à Carthage pour acquitter sa parole ? Le roi Jean se remettant aux mains des Anglais pour retrouver la comtesse de Salisbury. Potiche fut pardonné en considération de son repentir. Michel le prit par la peau du cou et le jeta dans la cage où il fit sa rentrée sans que le dernier des Laide-Manoir et Mademoiselle Desgarcins daignassent faire attention à sa compagnie. Quand la guenon n'aime pas, il paraît qu'elle est presque aussi cruelle que la femme. Restez Missouf. Missouf oublié dans la volière, continuait de croquer avec l'indifférence d'un criminel endurci les Bengalis, les damiers et les veuves. Il avait fait, comme le vicomte de V, un déjeuner de 500 francs. Vous allez me demander, cher lecteur, ce que signifie la comparaison. Eh bien, le vicomte de V, frère du comte Horace de V, est l'un des plus fins gourmets de France, non seulement de France, mais d'Europe, non seulement d'Europe, mais du monde entier, hasarda un jour, dans une réunion, moitié artiste, moitié gens du monde, cette proposition. Un homme seul peut manger un dîner de 500 francs. On se récria. Impossible, dirent deux ou trois voix. Il est bien entendu, reprit le vicomte, que dans le mot « manger » est sous-entendu le mot « boire ». Parbleu ! Eh bien, je dis qu'un homme, quand je dis un homme, je ne parle pas d'un charretier, n'est-ce pas ? Je sous-entends un gourmet, un élève de Montron ou de Courchamp. Eh bien, je dis qu'un gourmet, un élève de Montron ou de Courchamp, peut manger un dîner de 500 francs. Vous, par exemple? Moi, par exemple. Parieriez-vous? Parfaitement. Je tiens les 500 francs, dit un des assistants. Et moi, je les mange, dit le vicomte de V. Voyons, établissons bien le fait. C'est bien simple à établir. Je dîne au café de Paris. Je fais ma carte comme je l'entends et je mange pour 500 francs à mon dîner. Sans rien laisser dans les plats ni sur l'assiette. Pardon, je laisse les os. C'est trop juste. Et quand le pari aura-t-il lieu? Demain, si vous voulez. Alors, vous ne déjeunerez pas, demanda un des assistants. Je déjeunerai comme à mon ordinaire. Soit. Demain à 7 heures, au café de Paris. Le même jour, le vicomte de V alla dîner, comme d'habitude, au restaurant Fashionable. Puis, après le dîner, pour ne pas être influencé par des tiraillements d'estomac, le vicomte se mit en devoir de dresser sa carte pour le lendemain. On fit venir le maître d'hôtel. C'était en plein hiver. Le vicomte avait indiqué force de fruits et primeurs. La chasse était fermée, il voulait du gibier. Le maître d'hôtel demanda 8 jours. Le dîner fut remis à 8 jours. À la droite et à la gauche de la table du vicomte devaient dîner les juges du camp. Le vicomte avait 2 heures pour dîner, de 7 à 9. Il pouvait à son choix parler ou ne point parler. À l'heure fixée, le vicomte entra, salua les juges du camp et se mit à table. La carte était un mystère pour les adversaires. Ils devaient avoir le plaisir de la surprise. Le vicomte s'assit. On lui apporta 12 douzaines d'huîtres d'Ostende, avec une demi-bouteille de Johannisberg. Le vicomte était en appétit. Il redemanda 12 autres douzaines d'huîtres d'Ostende et une autre demi-bouteille du même cru. Puis vint un potage au nid d'hirondelle que le vicomte versa dans un bol et but comme un bouillon. « Ma foi, messieurs, dit-il, je me sens en train aujourd'hui et j'ai bien envie de me passer une fantaisie. Faites, parbleu, vous êtes bien le maître. J'adore les beefsteaks aux pommes. Garçon, un beefsteak aux pommes. » Le garçon, étonné, regarda le vicomte. « Eh bien, dit-il, vous ne comprenez pas ?»« Si fait, mais je croyais que monsieur le vicomte avait fait sa carte. »« C'est vrai, mais c'est un extra, je le payerai à part. » Les juges du camp se regardaient. On apporta le beefsteak aux pommes, que le vicomte dévora jusqu'à la dernière rissole. « Là, le poisson maintenant !» On apporta le poisson. « Messieurs, dit le vicomte, c'est une ferra du lac de Genève. Ce poisson ne se trouve que là. Mais cependant, on peut se le procurer. On me l'a montré ce matin, tandis que je déjeunais. Il était encore vivant. On l'a transporté de Genève à Paris, dans l'eau du lac. Je vous recommande les ferras. C'est un manger délicieux. 5 minutes après, il n'y avait plus que les arêtes sur l'assiette. « Le faisan, garçon, dit le vicomte. On apporta un faisan truffé, une seconde bouteille de Bordeaux, même cru. On apporta la seconde bouteille. Le faisan fut troussé en 10 minutes. « Monsieur, dit le garçon, je crois que vous avez fait une erreur en demandant le faisan truffé avant le salmi d'Ortolan. » « Ah, c'est par Dieu vrai. Par bonheur, il n'est pas dit dans quel ordre les ortolans seront mangés, sans quoi j'avais perdu. » « Le salmi d'Ortolan, garçon !» On apporta le salmi d'Ortolan. Il y avait 10 ortolans. Le vicomte en fit 10 bouchées. « Messieurs, dit le vicomte, ma carte est bien simple maintenant. Des asperges, des petits pois, un ananas et des fraises. En vin, une demi-bouteille de Constance, une demi-bouteille de Xérès, retour de l'Inde. Puis, le café et les liqueurs, bien entendu. Chaque chose vint à son tour, fruits et légumes. Tout fut mangé consciencieusement. Vins et liqueurs, tout fut bu jusqu'à la dernière goutte. Le vicomte avait mis 1h14 à faire son dîner. « Messieurs, dit-il, les choses se sont-elles passées loyalement ?» Les juges du camp attestèrent. « Garçon, la carte !» On ne disait pas encore l'addition à cette époque. Le vicomte jeta un coup d'œil sur le total et passa la carte aux juges de camp. « Voici cette carte. Huîtres d'Ostende, 24 douzaines, 30. Soupe au nid d'hirondelle, 150. Beefsteak aux pommes, 2. Faisan truffé, 40. Salmi d'Ortolan, 50. Asperges, 15. Petits pois, 12. Ananas, 24. Fraises, 20. Vin, Johannisberg, 1 bouteille, 24. Bordeaux Grand Cru, 2 bouteilles, 50. Constance, 1 demi-bouteille, 40. Xérès, retour de l'Inde, 1 demi-bouteille, 50. Café et liqueur, 1,50. Total, 508,50. On vérifia l'addition. Elle était exacte. On porta la carte à l'adversaire du vicomte, qui dînait dans le cabinet du fond. Il parut au bout de 5 minutes, salua le vicomte, tira de sa poche 6 billets de 1 000 francs et les lui présenta. C'était le montant du pari. « Oh, monsieur, dit le vicomte, cela ne pressait pas. Peut-être d'ailleurs eussiez-vous désiré votre revanche. Seriez-vous disposé à me la donner, monsieur ? Parfaitement. Quand cela ? Mais, dit le vicomte avec une simplicité sublime, tout de suite, monsieur, si cela vous fait plaisir. » Le perdant réfléchit pendant quelques secondes. « Ah, ma foi, non, dit-il. Après ce que j'ai vu, je vous crois capable de tout. »